1 Corinthiens 4, le verset 2, version Semeur. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Ce verset pose une question très précieuse et y apporte une réponse très riche. Il va nous aider à savoir ce que signifie oikonomia et ce qu'il faut comprendre par intendance des ressources de Dieu. Vous écoutez Confiance, Fidélité, Compte à rendre, trois implications de l'intendance des ressources de Dieu. Ceci est un enseignement de préparation au séminaire oikonomia, Intendance des ressources de Dieu. Le séminaire oikonomia, Intendance des ressources de Dieu, a pour but d'inspirer et d'équiper les saints afin qu'ils soient des gestionnaires fidèles des ressources de Dieu et que leur témoignage et héritage spirituel et matériel glorifient Dieu. Les enseignements de préparation à ce séminaire et à d'autres séminaires sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epplaparole.com. Ces ressources ne peuvent être vendues. Toutefois, vous pouvez les reproduire, les distribuer et les diffuser gratuitement, sans les tronquer et sans les modifier. Je suis Marie-Laure Braga et revoici Paul-Julien Braga pour la suite du message. Bonne écoute! Que signifie oikonomia et quelles sont les implications de l'intendance des ressources de Dieu? Nous allons répondre à cette question à partir de 1 Corinthiens 4, le verset 2. Nous trouvons là une question. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Cette question et la réponse qui lui est donnée en 1 Corinthiens 4, le verset 2, présentent les trois implications fondamentales de l'intendance. Premièrement, la confiance. C'est-à-dire qu'une responsabilité de gestion de ressources et de gestion de tâches est confiée à une personne. Deuxièmement, la fidélité. La confiance qui a été faite à cette personne est basée sur l'idée que la personne va s'occuper convenablement et efficacement des ressources et de la tâche. Et la troisième implication, c'est les comptes à rendre. Cela est suggéré par la question même. En fin de compte, que demande-t-on à des intendants? La personne qui a confié la responsabilité à l'intendant va l'appeler à rendre compte. Examinons en détail ces trois implications fondamentales de l'intendance en commençant par la confiance. Et c'est là qu'intervient le mot oikonomia. Oikonomia est le mot grec qui a donné naissance en français au mot économie. Oikonomia signifie gestion d'une maisonnée, gestion des affaires domestiques et plus précisément la gestion et la garde des ressources d'une autre personne. Ce mot apparaît 7 fois dans le Nouveau Testament. Vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec à l'origine avant d'être traduit dans d'autres langues telles que le français. Ce mot apparaît donc 7 fois dans le Nouveau Testament, dans la version 8 secondes, comme suit. Dans Luc 16, le verset 2. « Rends compte de ton oikonomia, traduit ici en français, administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Luc 16, verset 3. L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'oikonomia de ses biens ?» Ici en français, l'administration. Luc 16, verset 4. « Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Le mot « emploi » ici traduit « oikonomia ». 1 Corinthiens 9, versets 16 et 17. C'est Paul qui parle. « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une oikonomia qui m'est confiée. » Oikonomia a traduit ici en français « charge ». Éphésiens 1, verset 9 à 10. « Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution. » Le « mettre à exécution » est la traduction française pour « oikonomia » dans ce passage. « Lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Éphésiens 3, verset 2. « Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation » ici, oikonomia, traduit par dispensation, de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Colossiens 1, verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge, oikonomia, que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Dans ce contexte du Nouveau Testament, celui qui faisait l'oikonomia, c'était l'oikonomos, c'est-à-dire le gestionnaire de la maisonnée ou le gestionnaire des affaires domestiques. C'était l'intendant, le gestionnaire, l'économe. Ce pouvait être un homme libre ou, dans la plupart des cas, un esclave, à qui le maître ou le propriétaire a confié la charge de ses affaires. Dans le Nouveau Testament, le mot est aussi traduit par « trésorier » en français. Il apparaît 10 fois dans le Nouveau Testament et est traduit comme suit dans la version Louis II de 1910. Luc 12, verset 42. Et le Seigneur dit « Quel est donc l'oikonomos fidèle et prudent, vous avez compris, traduit en français l'économe fidèle et prudent, que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. » Luc 16, verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un oikonomos, un économe, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. » Luc 16, verset 3, « L'oikonomos, l'économe, dit en lui-même, « Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ?» Luc 16, verset 8, « Le maître loua l'oikonomos, l'économe, infidèle, de ce qu'il avait agi prudemment. » Romains 16, verset 23, « Gaius, mon hôte, et celui de toute l'église vous salue. Eraste, l'oikonomos, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Cartus. » 1 Corinthiens 4, verset 1, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des oikonomos, traduit ici des dispensateurs, des mystères de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des oikonomos, des dispensateurs ici en français, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est la version de Louis II pour notre passage de référence que nous lisons dans la version Semeur. Galates 4, verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des oikonomos, traduit ici par administrateur, jusqu'au temps marqué par le Père. Tite 1, verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme oikonomos de Dieu, traduit ici comme économe de Dieu. 1 Pierre 4, verset 10 enfin. Comme de bons oikonomos, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Les 17 passages que nous venons de voir concernant les mentions d'oikonomia et oikonomos dans le Nouveau Testament font ressortir clairement ceci. La tâche confiée à l'intendant ou à l'intendante peut concerner des biens matériels et des biens spirituels. Celui qui confie la tâche à l'oikonomos, à l'intendant, c'est le propriétaire des ressources ou de la maison. Tout part du propriétaire. La mesure de ce qui est confié, la personne à qui cela est confié, l'attente de fidélité, ainsi que l'obligation pour l'intendant de rendre des comptes. Or, le propriétaire de toute chose, c'est Dieu. En Chronique 29, versets 11 à 12, il est écrit « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. » David dit au psaume 24, verset 1, « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Ainsi donc, Dieu est le propriétaire de toutes choses. Et il lui a plu, dès le commencement, de faire de l'homme et de la femme des oikonomos de sa création, des intendants de sa création. Il est écrit en Genèse, le chapitre 1, les versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » En Genèse 2, le verset 15, il est dit, « Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » La parabole des talents en Matthieu 25, les versets 14 à 30, présente une image de la façon dont Dieu fait confiance à ses serviteurs. Talent aujourd'hui désigne une capacité ou un don remarquable, mais dans ce passage de Matthieu 25, les versets 14 à 30, le mot talent désigne une unité monétaire, c'est-à-dire c'est de l'argent, on parle d'argent ici. Le verset 15 de ce passage de Matthieu 25 montre que Dieu confie des responsabilités à chacun selon ses capacités. Et Paul écrit d'ailleurs en Romains 12, les versets 3 et 4, et je lis dans la version Semeur, « En vertu de la grâce que Dieu m'a fait, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. Question pour vous. Après une sage appréciation de vous-même, pouvez-vous dire quelle fonction, au singulier ou au pluriel, Dieu vous a confié dans son œuvre, dans le monde en général et dans son Église en particulier? Après la confiance, première implication fondamentale de l'intendance des ressources de Dieu, nous passons à la fidélité. La parabole des talents montre que certains intendants iront bien vite faire valoir et fructifier les ressources qu'ils ont reçues, alors que d'autres, par peur et parce qu'ils ne connaissent pas bien leur maître, iront cacher les ressources reçues dans un trou improductif. Lisons Matthieu 25 à partir du verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Deux remarques s'imposent à la lecture de cette parabole. La première, c'est que le propriétaire a les mêmes attentes vis-à-vis des 3 serviteurs, alors que la mesure qui leur est confiée n'est pas la même pour les 3. Ce qui est donc important, c'est d'être trouvé fidèle dans la part qui vous est confiée. Ce n'est pas l'égalité des ressources confiées. Deuxièmement, être trouvé fidèle ne vient pas seulement d'avoir gardé ce qui a été confié, mais de l'avoir fructifié. Et l'appréciation finale est exactement la même pour ceux qui ont fructifié les talents du maître. Celui qui avait les 5 talents et celui qui avait les 2 talents ont reçu exactement la même appréciation. C'est bien bon et fidèle serviteur, ce qui est une marque du respect que le maître a pour le caractère de ses serviteurs. Tu as été fidèle en peu de choses. Cela marque la reconnaissance de l'accomplissement. Je te confierai beaucoup. Cela indique la récompense des efforts et de l'accomplissement. Et puis enfin, entre dans la joie de ton maître, ce qui illustre les réjouissances, la part aux réjouissances du maître. Portez du fruit, voilà ce que Jésus attend de ses disciples. Il dit en Jean 15, le verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Et avant cela, il a dit en Jean 15, le verset 8, « Si vous produisez du fruit en abondance, je lis dans la version Semeur, et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Parlant de fruit de la repentance, Jésus dit à quelques personnes en Luc 13 cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Luc 13, versets 6 et 7. Inutilement. Jésus conclut aussi la parabole des talents en Matthieu 25 par une sentence sur l'inutilité. Il est écrit, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Matthieu 25, verset 30. Question pour vous. Avez-vous été un intendant ou une intendante fidèle ou inutile ces 3 dernières années? Et si vous avez besoin d'orientation, répondez par rapport à la question précédente. La question précédente consistait à déterminer quelle fonction vous pensez que Dieu vous a confiée pour le monde et pour son Église. Par rapport à cette fonction ou par rapport à ces fonctions, avez-vous été un intendant ou une intendante fidèle ou inutile? Nous en arrivons à la dernière des 3 implications fondamentales de l'intendance. Après la confiance et la fidélité, nous voyons pour finir les comptes à rendre. Il y a un temps où le propriétaire confie les responsabilités, un temps où l'intendant ou l'intendante assume la responsabilité et un temps pour les deux de faire le point. Le propriétaire des ressources demande et reçoit des comptes de l'intendant ou de l'intendante. Comme dans la parabole des talents, il y a 3 choses à noter. Premièrement, chaque intendant répondra pour lui-même. Deuxièmement, le résultat présenté est suivi de conséquences correspondantes. Conséquences positives si le résultat est positif et conséquences négatives si le résultat est négatif. Troisièmement, les excuses ne changent pas les résultats et ne changent pas leurs conséquences. Le rapport du serviteur inutile dans la parabole est 3 fois plus long que celui de chacun des 2 serviteurs fidèles. Et c'est là un bon rappel, comme dit Proverbe 14, verset 23. Je lis dans la version Parole de vie que « Quelqu'un qui travaille dur en tire des avantages, mais celui qui se contente de parler sera toujours pauvre. » Il est écrit en Hébreux 13, le verset 4 « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Et Jésus parle de conséquences de l'intendance en Luc, le chapitre 12, les versets 40 à 48. On y voit l'intendant fidèle promu, l'intendant mature qui est infidèle est puni lourdement et l'intendant immature qui est infidèle est puni légèrement. Question pour vous, quelles seraient les conséquences de votre intendance actuelle? Bien-aimé, que faut-il donc retenir de cet enseignement? Premièrement, nous sommes les oikonomos, ou intendants, des ressources matérielles et spirituelles que Dieu nous a confiées. Deuxièmement, ce que Dieu attend de nous, c'est la fidélité. Troisièmement, la fidélité, ce n'est pas seulement de garder ce qui est confié, mais de le fructifier. Et enfin, quatrièmement, en tant qu'intendant, nous rendrons compte au propriétaire qui rendra un jugement de fidélité ou d'inutilité, avec les conséquences pour chacun, selon qu'il aura fructifié les ressources ou non. Question pour vous. Qu'est-ce que vous changerez maintenant pour porter du fruit ou pour porter plus de fruits pour Dieu? Que la bonne main du Seigneur demeure sur vous et à la prochaine étude qui est intitulée « Ressources de Dieu 1, temps, tonus, talent ». Vous venez d'écouter « Confiance, fidélité, compte à rendre, 3 implications de l'intendance des ressources de Dieu ». Ceci est un enseignement de préparation au séminaire « Oikonomia », Intendance des ressources de Dieu. Le séminaire Oikonomia, Intendance des ressources de Dieu, a pour but d'inspirer et d'équiper les saints afin qu'ils soient des gestionnaires fidèles des ressources de Dieu et que leur témoignage et héritage spirituel et matériel glorifient Dieu. Les enseignements de préparation à ce séminaire et à d'autres séminaires sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epplaparole.com. Ces ressources ne peuvent être vendues. Toutefois,